lutte. Parce que quoi qu'il arrive, la vie est une. Avec leur télé et leur pub, on dit que l'enfer c'est les hommes. À qui la faute? Regarde devant mais pas derrière, même si demain c'est loin. Aujourd'hui je vais mettre du sens dans mes vers, du sens sur mes verbes. Je joue pas la partie pour la perte, je raconterai pas ma peine. Car je sais que partout c'est la merde, partout c'est la même. Tu veux la paix, prépare la guerre, tu vois tel père, tel fils. Pour que je manque de rien, on met leur vie de côté. Puis on fait des tonnes de sacrifices, des cicatrices indélébiles et des repas sans pain. Pendant que ma vie défile, j'écris des mesures par centaines, mon encre est peine. J'espère que ma plume se rappelle, la conscience s'essuie, mais notre esprit se rappelle. Elle se rebelle face à la douleur qu'on nous donne. Elle s'efface comme une tache juste avant qu'on se console, donc on consomme. Car c'est de force ou de gré. Les minutes se consument pendant que ta vie rentre dans le vrai. On nous effraie, nous fout des bâtons dans les roues. J'ai repéré la cible, je ne compterai plus les coups. Contre le temps je lutte, parce que quoi qu'il arrive, la vie est une. Avec leur télé et leur pub, on dit que l'envers c'est les trucs. À qui la faute? Regarde devant mais pas derrière, même si demain c'est loin. Contre le temps je lutte, parce que quoi qu'il arrive, la vie est une. Avec leur télé et leur pub, on dit que l'envers c'est les autres. À qui la faute? Regarde devant mais pas derrière, même si demain c'est loin. Demain c'est loin, c'est ce qu'on devrait leur apprendre à l'école. À la place de leurs histoires d'hommes, fusées à l'épaule. De tous ces contes pleins de mensonges, ils foutent le bazar dans mon songe. Donc j'exprime ce bazar dans mon son, avant que je m'enfonce, donc je fonce. Me regarde dans un miroir, car à la fin du film on finit tous dans un tiroir. Regarde, l'aiguille tourne et le temps n'attend pas. Y'a que les mots que je détourne, le paradis n'est pas, mais l'enfer est bien là. Comment se défaire de ça? Y'a pas de vers sans sable. J'écris des vers sensés, si je pouvais faire sans ça, ça devient vraisemblable. Y'a plus de place pour les traîtres. C'est soit tu roules, soit tu crèves dans mes rêves. J'suis pas très loin de la rive, j'suis pas à la dérive. J'trache toujours des rimes collatérales. J'arrive à opérer des changements comme verré. Puis j'ai toujours la dalle et l'esprit bien affûté. Contre le temps je lutte, parce que quoi qu'il arrive, la vie est une. Avec leur télé et leur pub, on dit que l'envers c'est les trucs. À qui la faute? Regarde devant mais pas derrière, même si demain c'est loin. Contre le temps je lutte, parce que quoi qu'il arrive, la vie est une. Avec leur télé et leur pub, on dit que l'envers c'est les trucs. À qui la faute? Regarde devant mais pas derrière, même si demain c'est loin. On dit toujours que l'envers c'est les autres, que la terre c'est la zone, que plusieurs voix s'offrent à nous. J'ai peut-être pas choisi la bonne, ça me désole. De voir que tout se joue à rien, ma pertinence c'est très bien. Que qui ne tente rien à rien et que les chemins que l'on prend ne sont toujours pas stables. Qu'on a le choix entre des pièges et des sales embuscades. Chronos se frotte les mains et les miens restent incontestables. Parce que l'amour que je leur porte reste à ce jour très fiable. Donc je défie quiconque de me barrer la route, la rage de King Kong. Je marcherai pas sur leur poutre, j'ai trop d'amour propre. Pendant que ma haine reste sale, même si j'ai très mal au fond. T'inquiète, ma peine restera sage, le poids des mots reste très lourd à porter. J'suis parti loin chercher le Graal, mais je l'ai pas rapporté. C'est le bordel, les minutes défilent, à qui la faute? Regarde devant mais pas derrière, même si demain c'est loin. Contre le temps je lutte, parce que quoi qu'il arrive, la vie est une. Avec leur télé et leur pub, on dit que l'envers c'est les trucs. À qui la faute? Regarde devant mais pas derrière, même si demain c'est loin. Contre le temps je lutte, parce que quoi qu'il arrive, la vie est une. Avec leur télé et leur pub, on dit que l'envers c'est les trucs. À qui la faute? Regarde devant mais pas derrière, même si demain c'est loin. Contre le temps je lutte, parce que quoi qu'il arrive, la vie est une pute. Avec leur télé et leur pub, on dit que l'enfer c'est les autres. À qui la faute? Regarde devant mais pas derrière, même si demain c'est loin. Yo, HK, demain c'est loin, le temps c'est long, le temps c'est long. Je ne garderai pas le silence. Je ne garderai pas le silence.